Je quitte les vaches bourguignonnes, regret au cœur une fois de plus, à Saint-Laurent comme à Vérone, mon cœur t'aime quand il part en bus. Terre de tes ancêtres bien-aimés, c'est toi que j'aime, mon doux présent, et mon exil déterminé, c'est sur ta terre que je le sens. Je n'ai pas le mal des transports, mais de toi rester sur le quai. Et si mes yeux pleurnichent encore, c'est de m'avoir vu te quitter. La gare de Mâcon est cruelle, mais chérie n'en tient pas grief. Le train part, tu es la plus belle, je t'aime à la SNCF. Cette distance de toi me tiraille, je n'en peux plus de te quitter. Un jour je briserai tous ces rails, et pour toujours, je resterai.